Normal. Tu lui as donné de l'amour et il va voir ailleurs. Tu vois pas, il veut te passer la pommade. Parce qu'il t'a vu sur Snap, fait chantailleur. N'oublie pas, il t'a fait trop mal. Tu puisses tel iPhone et tous ses contacts. Il a transformé ton corps en grenade. Il ne t'estime pas, t'as juste valeur. Il est jamais là, tu crois que c'est normal. Tu lui as donné de l'amour et il va voir ailleurs. Tu vois pas qu'il veut te passer la pommade. Parce qu'il t'a vu sur Snap, fait chantailleur. N'oublie pas, il t'a fait trop mal. Tu puisses tel iPhone et tous ses contacts. Il a transformé ton cœur en grenade. Il ne t'estime pas, attache juste valeur. Tout le monde te disait c'est un fou ce gars-là. Mais tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Tout corazon est plein de balafres. La roue tournera, quelqu'un d'autre t'aimera. Pendant que tu dormais, il faisait la malade. Il voyait des gadgets quand tu étais pas là. Seigneur, faut pas que ça te rende malade. Quand tu l'attendais, lui faisait des balades. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras. Allez, bon débarras.